Venez! Où l'a-t-il emmené? Venez avec moi, monsieur. Je sais où il est. Mais rappelez-vous, gardez la main à la hauteur du regard. Je viens avec vous. Non, mec, non. Toi, tu restes ici. Venez avec moi, monsieur. Obéissez-moi. Non!